بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله وبياكم. Dans le dernier درس on avait pris deux hadiths. Celui de Abu Huraira radiallahu anhu, et avant celui-ci, celui de Muawiya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Celui à qui Allah عز وجل veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Le hadith muttafaqun alayhi. On a pris le deuxième hadith, qui était celui d'Abu Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-za'if wa fi kullin khayr. Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah wa la ta'jiz. Fa in asabaka shay'un fa la takul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza walakin kul qaddara Allah ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan. » Raw Muslim. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le croyant qui est fort et meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant qui est faible, mais les deux ont du bien. Et préoccupe-toi de ce qui t'est utile, et recherche de l'aide auprès d'Allah, et ne baisse pas les bras. Et si une chose t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait telle et telle chose, il serait passé telle et telle chose, mais cependant dis que ce que Allah azawajal a décrété a lieu. Car l'eau, c'est-à-dire le fait de dire si, ouvre les portes de Shaitan. La dernière fois, on n'a pas eu le temps de prendre ce passage-là, vu qu'on avait été, on est parti dans d'autres sujets par rapport aux questions qui m'avaient été posées dans le DERS, ce qui nous a détourné du sujet, et après le temps s'est avéré fini. Donc il y a une partie du hadith qu'on n'a pas pris, et dont on va parler aujourd'hui. Fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل شيطان. Le fait de dire si une chose t'atteint, d'accord, et une chose t'aura atteint que parce qu'Allah Azzawajal t'aura prédestiné. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. Il a dit que ce qui t'a atteint ne devait pas t'échapper. Tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu as été épargné ne devait pas t'atteindre. Donc, il a dit que si même toute la communauté se réunissait pour te profiter d'une chose, et ne te profitons que de ce qu'Allah Azzawajal t'avait déjà prédestiné. Et que si jamais ils se réunissent pour te faire un mal, sache qu'ils ne te feront que du mal que Allah Azzawajal t'avait déjà prédestiné. Donc, en réalité, les gens n'ont aucune part dans le cours des choses, ils ne sont que des causes. Mais le décret vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand une chose te vient, ne dis pas « si j'avais fait telle et telle chose, ça aurait été telle et telle chose ». Dans quelles conditions? C'est là où que l'on dit « si ». Là, « yajouz et talafouz bih fima yakounu irtiradhan ala al-qadar ». Donc ceci n'est pas à utiliser lorsque cela revient à contester une chose du destin, en fait, en gros. Ce n'est pas dans l'absolu qu'on ne dit pas « si ». Par exemple, tu dis, il t'est arrivé une chose, et tu dis, si j'ai pris telle, par exemple, je ne sais pas un exemple, tu as pris une route pour te rendre à un endroit, et il t'est arrivé telle et telle galère lors du trajet, lors du parcours. Ou en tatakoul, lo akhastu atalik asani, ma asaba nishei. Si jamais j'avais pris l'autre route, je n'aurais rien eu. Ça, c'est pas bon. Ça rentre dans le hadith. Car tu ne sais pas, en prenant l'autre route, peut-être que ça aurait été pire encore. Tu ne sais pas. Mais dans les choses qui sont un khayr et qui n'amènent pas à contester le qadar comme une forme de mécontentement de ce qui t'est arrivé, tu peux le dire. Tu peux le dire. Il y a des hadiths qui sont déjà venus dans le sens où l'eau a été employé. Par exemple, Abu Moussa, lorsqu'une fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de nuit, il a entendu sa récitation, les gens qui faisaient Qiyam al-Layl. Et lorsqu'il l'a vu le lendemain, il lui a dit, لقد أوتي هذا من زوامل داود, qu'il a reçu une voix qui est aussi belle que les voix de Daoud. La voix de Daoud. Et il a dit quoi, Abu Moussa? لو علمت أنك تستمع إلي لحسنت صوتي أكثر. Dans le sens, si j'avais su que tu écoutais, j'aurais encore plus embelli ma voix. Car le fait de rentrer la joie dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration. Il n'a pas dit ça pour faire de l'ostentation, mais pour faire plaisir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui faire plaisir, mettre la joie en lui, est une ibada. D'accord? Donc là, il avait dit low, dans le sens que ça aurait été une action qui aurait été meilleure encore. Mais je ne savais pas. Mais quand tu dis low, avec, on dirait en français, si, d'accord? Une chose qui amène à montrer un mécontentement et à montrer à une contestation face à ce qui t'est arrivé, ça, ce n'est pas permis. Mais tu dis, quand dans l'homme, chafarel. Il t'arrive des choses, tu dis, quand dans l'homme, chafarel. C'est que ça devait m'arriver. Je devais être atteint de cette chose-là. طيب الآن نواصل في الأحاديث الأخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Ça c'est le 13e hadith de ce livre. 13e hadith de ce livre. Il dit عن أبي موسى الأشعري والأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام il a dit que le croyant est pour le croyant comme un édifice, ils se renforcent l'un l'autre. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Il a entrecroisé, enchevêtré entre ses doigts. Comme à la forme de, d'un mur avec des briques qui se mettent l'une dans les autres afin de fonder un mur. يقول هذا حديث عظيم في الخير أو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك. Donc ce hadith, c'est un hadith dans lequel le Nabi صلى الله عليه وسلم informe de la situation ou de quelle façon doivent être les croyants. De quelle façon les croyants doivent être les uns pour les autres. Ce qui inclut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela inclut un encouragement de sa part à observer ce fondement, qui est l'alliance entre les musulmans et l'amour qu'ils doivent avoir entre eux. Qui doivent être des frères, miséricordieux les uns envers les autres, et faire preuve d'affection les uns envers les autres. Que chacun aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, et qu'il s'efforce de l'accomplir. وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مُرَاعَةَ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةَ الْجَامِعَةَ لِمَصَالِحِهِمْ كُلِّهَا وَكُلِّهِمْ وَأَنْ يَكُونُوا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ فَإِنَّ الْبُنْيَانَ الْمَجْمُوعَ مِنْ أَسَاسَاتِ وَحِيطَانٍ مُحِيطَ كُلِّيَّةٍ وَحَيْطًا تُحِيطُ بِالْمَنَازِلِ الْمُخْتَصَّةِ. Donc cela, ça a comparé à un mur, un édifice. Un mur, tu ne peux le construire si ce n'est qu'en réunissant des briques les unes contre les autres. Elles se tiennent, elles se maintiennent, elles se consolident. Voilà, se consolident les unes avec les autres. Une brique toute seule ne peut rien faire. Donc ça fait que le muslim doit prendre en considération la situation de son frère pour qu'ils se consolident les uns les autres. Et qu'une maison ne peut se construire qu'avec des murs, et ces murs ne peuvent se construire qu'avec des briques. Posées les unes sur les autres. Donc là c'est une image, une métaphore pour montrer à quoi on doit ressembler. Également, une maison, comme il le dit par la suite, se compose de murs, de fenêtres, d'un toit et tout ce qui s'ensuit. Et tout cela a besoin de travail de construction, donc d'assembler des pièces les unes avec les autres. Donc de là, les musulmans doivent être comme ça les uns vers les autres. Yaqul, kullu nu' min zalika la yakum bi mufradihi hatta yandman ba'duha ila ba'd. Hatta yandamma, afwan, ba'duha ila ba'd. Kadhalika al-muslimun yuhibbu an aw yajibu an yakunu kadhalik. Fayura'u qiyam dinihim wa shara'ihi. Ma yuqawwim zalika wa yuqawwih. Wa yuzilu mawani'ahu wa rajul mal ali. Mawani'ahu wa 'awaridahu. Et que les musulmans doivent être à cette image. Il leur est obligatoire d'observer les besoins des autres, afin de pouvoir mettre en place leur religion, et donner ce qui renforce les uns et les autres. Et dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines religieux, et même dans les domaines mondains, qui servent à la maslaha, l'intérêt général de tout le monde. Thumma yakul, falfurud al-ayniyah, yakum biha kullum mukallaf, la yasa' mukallafan qadiran, tarkuha ou l'ikhlal biha. Donc il dit là, il parle des deux formes d'obligation. Il y a le fard et l'ayni. C'est une obligation qui, elle est individuelle, que chacun doit faire. Il y a une obligation individuelle, qui est obligatoire à chacun de faire. Par exemple, la salat, c'est un fard ayni. Le siyam, c'est un fard ayni. Les cinq arcanes à la base, les cinq piliers de l'islam, c'est des furud ayniyah, que chacun doit faire pour lui-même. Et après, tu as les furud al-kifayat. Yajalu fi kulli fardin minaha ma yakumu bihi min al-muslimin. Bihaythu tahsulu bihim al-kifaya. Wa yatammu bihim al-maqsoud al-matloub. Et ensuite, ce sont les obligations communes. C'est-à-dire qu'elles concernent toute la umma et que si certains s'en chargent de façon suffisante, d'autres n'ont pas à le faire. D'accord, c'est qu'un certain nombre de musulmans doivent faire des choses, ce qui permet à d'autres de ne pas avoir à le faire. Un exemple qu'on donne souvent, l'azan. Faire l'azan. Est-ce que tout musulman doit faire l'azan? Non. Un seul doit le faire. Dans un secteur, dans un quartier. Et s'il le fait, cet azan suffira pour tout le monde. Mais si personne ne fait l'azan, alors c'est toute la communauté qui prend le péché. Car il faut que l'un d'entre eux le fasse. Fahim toum? Donc c'est ça un fard kifa'i. Kadhalik, salat al-janaza, sur un mort. Certains doivent le faire. Si un nombre suffisant le font, ce n'est pas tout le monde qui doit le faire. Demain, il y a un frère qui est mort, une sœur qui est morte. Il faut quelqu'un qui les lave. Est-ce que tout le monde doit les laver? Non, certains doivent le faire. Si ce petit nombre le font, la chose a été, l'obligation a été remplie. Et ensuite, il faut faire la salat sur lui. Est-ce que chacun doit venir la faire sur lui? Non, également. Il faut qu'un certain nombre le fasse. Et une fois que ce nombre l'a fait, alors les autres n'ont pas à le faire. Sans quoi, si personne ne le fait, alors c'est toute la Oumma qui prend le péché. Que cet acte n'ait pas été, cette obligation n'ait pas été remplie. Et il y en a plein des exemples comme ça. Puis, si tu as des exemples par rapport à cela, en disant, dans tous les domaines, il faut qu'il y ait un groupe de muslims qui se charge de certaines choses. Par exemple, la chose la plus importante, déjà, c'est le ilm. Il faut que des musulmans se chargent d'apprendre. Pour pouvoir en transmettre aux autres, enseigner aux autres. Est-ce que tous doivent le faire? Non. Mais un nombre suffisant doit le faire. Et malheureusement, à cette époque, le nombre, il est insuffisant. On n'a pas assez de savants. On n'a pas assez d'enseignants. On n'a pas assez de toulab. On n'a pas assez de machaïr. On n'a pas assez. Pourquoi? Car il y a plein, normalement, on devrait trouver dans chaque lieu un enseignant fiable. D'accord? Et est-ce qu'aujourd'hui on les trouve? On ne les trouve presque pas. Il faut voyager pour les trouver. Et même, ne pas voyager n'importe où. Donc ça, c'est une chose qui est insuffisante. Il faut des docteurs, des médecins, il faut des ingénieurs, il faut des enseignants même pour les sciences mondaines, comme dans les écoles, des musulmans, je parle. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de transports, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de commerçants, on a besoin de plein de choses. Certains d'en s'en charger, et cela pour le bien de la Ummah, que l'on puisse se suffire à nous-mêmes. Et là-dessus, on voit des gens, ils font l'effort. Combien veulent être des médecins? Il y en a plein. Dentistes, il y en a plein. Des tel et tel travail, il y en a plein. Mais concrètement, au niveau ilmi, il y en a combien? Très peu. Pas assez. Car même dans ceux qui font l'effort d'apprendre, ce n'est pas tous qui sont sur la sunna, sur le istiqama. Voyez le nombre de médecins qu'on a et regardez le nombre de savants qu'on a. Est-ce que c'est comparable? C'est incomparable. Si on avait autant de savants qu'on avait de médecins, subhanallah, la communauté s'en porterait tellement mieux. Et pourtant, regardez, malgré le nombre de médecins qu'on a, on a toujours le problème de santé. Mais le plus grand problème, c'est le problème religieux. Dans la aqidah, dans le ménage qu'on doit suivre, et dans le rime qu'on doit avoir pour les bonnes adorations à accomplir. Ça, c'est tout à fait insuffisant. C'est pour ça que les ulama, souvent, ils conseillent aux gens de délaisser les études dans la dunya pour apprendre celle de la religion. Car le nombre qu'on a n'est pas suffisant. Ils ne disent pas que tout le monde doit faire talab al-ilm de façon approfondie. Il y a des choses dans talab al-ilm qui sont obligatoires à chacun. Ça rentre dans le fard aini, comme on a dit tout à l'heure. C'est une chose que chaque musulman doit apprendre. Tout ce qu'il est obligatoire de faire dans son quotidien, il doit l'apprendre. Le tawhid, il doit l'apprendre. La aqida, il doit l'apprendre. Les ahkam de la purification, tahara, il doit l'apprendre. Celle de la salat, il doit les apprendre. Tout ce qu'il est obligatoire de faire, il doit l'apprendre. Pour lui-même. Il y a d'autres choses qui ne sont pas obligatoires, mais dont certains doivent se charger. Par exemple, apprendre la grammaire arabe de façon approfondie. Certains doivent le faire. Pourquoi? Pour apprendre à d'autres, par la suite. D'accord? Les divergences dans le fiqh, tout le monde ne doit pas les apprendre. Certains doivent les apprendre. Pourquoi? Pour enseigner aux autres. Avoir la clairvoyance. Et dans plein de domaines de la religion. Vous comprenez? Donc, autant on le fait dans le dîn qu'on le fait dans la dunya. Et cela amène au hadith. Elle est mu'min qu'elle bunyan. Car le savant, le jour où il est malade, il a besoin d'un médecin. Le savant, quand il veut manger, il lui faut des légumes, il lui faut de la nourriture. Donc, il y a besoin d'agriculteurs, il y a besoin d'éleveurs, il y a besoin de boutiques pour acheter. Donc, cela revient à ce qu'on se renforce les uns les autres. Le savant, il faut bien qu'il s'habille. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut des gens qui, des gens qui fabriquent des vêtements. Il nous faut des couturiers. Et il nous faut après les magasins qui vendent ces vêtements, pour les hommes comme pour les femmes. Le matériel scolaire, on en a besoin. Le matériel de travaux pour les maisons, on en a besoin, tout ça. Donc certains en sont chargés. Mais pas tous. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui donnent trop d'importance aux choses mondaines et sont très négligents face aux choses religieuses. Ce qui amène à une faiblesse dans la Ummah. Et on est faible au niveau religieux comme on est faible au niveau dunya. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Car de base, on est faible au niveau religieux. Dans le tawhid, dans la foi, ce qui amène à ce que, par la suite, ça a des conséquences sur notre dunya. Malheureusement. Et ça, peu de gens l'ont compris. Tu vois les gens dire, oui, il nous faut encore plus de médecins, il nous faut des avocats, il nous faut surtout des savants. Des savants. Il nous faut des gens qui les écoutent, ces savants. Et écouter les conseils de ces savants. Et apprendre d'eux. Et le reste, ça va venir, bismillah ta'ala. L'un n'empêche pas l'autre. Taïeb. ثم يقول فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أمته إلى أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم, notre hadith, nous apprend à nous unir sur un but concret qui sert à tout le monde. Un intérêt général. Et il a comparé cela également à l'auteur, comme dans un hadith c'est venu, que nous sommes à l'exemple d'un corps. Lorsqu'une partie du corps ressent une douleur, c'est tout le corps qui la ressent. Quand tu as mal à la tête, c'est tout ton corps qui en réalité en subit les conséquences. Car tu finis allongé, tu finis fatigué ou assis. Même si ton pied n'a pas de douleur, cette migraine que tu ressens va amener à ce que ton pied aura du mal à te supporter. Quand tu es atteint de douleur, par exemple même au pied seulement, une douleur tellement intense que tout ton corps en souffre et tu n'arrives pas à dormir. Donc nous, ça doit être comme cela. Lorsqu'il y a un mal dans la Ummah concret, ça doit faire mal à toute la Ummah. Et le problème, c'est qu'il y a des mots, les gens n'arrivent pas vraiment à discerner c'est quoi les vrais mots qui doivent être soignés. Quels sont les vrais mots qui doivent être traités? Et le premier mal à traiter, c'est notre croyance, le tawhid. et connaître la religion. Ça, c'est le plus grand mal qui nous touche aujourd'hui, c'est notre ignorance, qui nous font tomber dans les péchés, et dans les déviances, et dans les innovations, et dans la dunya. Accroche à la dunya. C'est un grand manque de tawhid, un grand manque de foi, un grand manque de tawakkul, un grand manque de patience, de sabr, qui touche la ummah dans son ensemble. Et on y voit les effets, à travers plein de faits qui se déroulent à travers le monde. Des fois, des gens se plaignent que telle et telle partie de la ummah subit telle et telle chose. On dit ce mal, à la base, il a commencé par... par exemple, la Palestine, un exemple, la Palestine. Le mal de la Palestine, c'est pas la Palestine en soi, c'est le mal de la Ummah. C'est le mal de la Ummah. Quand la Ummah se portera mieux, vous verrez que la Palestine, inchallah, le problème se réglera. Ce n'est pas la Palestine en elle-même le problème. La Palestine n'est qu'un symptôme du mal de la Ummah. C'est un symptôme qui dit que la Ummah va mal. Et quand la Ummah va se guérir, sera mieux, eh bien ce symptôme disparaîtra. Biznillah ta'ala. Mais les gens, ils sont là en train de focaliser sur un point en oubliant le plus important. Non. Donc ce hadith nous appelle à l'union. Yaqul wa li hadha hatha ash-shari' ala kulli ma yuqawwi hadha al-amr wa ma yujibu al-mahabbata bayna al-mu'minin wa ma bihi yutammu at-ta'awun ala manafi' wa naha an tafarruq wa ta'adi wa tashtit al-kalima fi nusus kathira. حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعته واختباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. Donc c'est pour ça que la législation amène à toutes les causes qui amènent à l'union, de s'unir. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Accrochez-vous tous à la religion d'Allah et ne vous divisez pas. La religion est venue pour amener à fermer les portes à tout ce qui amène à la division. Dans les ventes, on ne vend pas l'un sur l'autre. Lorsqu'on fait une khidba avec une sœur, une fois que la khidba est faite, il n'y a pas un deuxième qui vient pour la voir. Ainsi de suite. On ne doit pas s'espionner. On ne doit pas se jalouser. Et autres. Toutes les causes qui amènent à une division, la religion est venue pour fermer les portes. Mais l'union à laquelle appelle la religion, ce n'est pas une union dans l'absolu, c'est une union sur la vérité. C'est ça la vraie union. Donc, la personne qui n'est pas sur la vérité, c'est elle qui aura divisé. Wayadullah ma'al jama'a. La main d'Allah avec le groupe. Et quel groupe ? Al-Haq. Amt al-Haq. Comme a dit Ibn Mas'ud, Antakoun ma'al jama'a wa kunta wahdak. Soit avec le groupe, même si tu es seul. Comme a dit Ta'ala an Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummatan, kanaitan ilay hanifan wa lam yakun min mushrikin. Ibrahim était un imam et à lui seul une communauté. À lui seul. Qui à son époque fut un temps, on va dire, il fut le seul croyant sur terre. Et pourtant, Allah Azza wa Jal l'a nommé comme étant une ummah, une communauté. Donc notre union doit se faire obligatoirement, mais comme condition doit se faire sur la vérité, et non pas de façon abstraite, comme ça, comme certains ils appellent, on doit s'aimer, s'unir. On dit non, mais sur quoi on s'unit ? On ne s'unit pas sur le faux, on ne s'unit pas sur la bid'a, on ne s'unit pas sur le péché. Wa ta'awanu ala al-birr wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi al-udwan. On doit s'entraider dans l'obéissance et la piété, et non pas dans la désobéissance et le péché. Donc le discours d'appeler à l'union, il est vrai. Mais les moyens qui y mènent, il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Non. Thumma yaqul fil hadith, Arabi Achar. 14e hadith. An Nabi Moussa. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Iza ta'hu sa'ilun, au talibu haja, qala, ishfa'u, faltu jaru. وَيَغْدِ اللَّهُ وَلَا لِسَنَ رَسُولِهِ مَا شَاءَ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un dans le besoin venait le voir, d'accord, un mendiant, parmi les gens qui mendient de façon légitime, d'accord, les gens dans le besoin, concrètement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait quoi aux gens? Intercédez, vous serez récompensés. Et que Allah décrète, c'est-à-dire en religion, via la langue de son messager, ce qu'il veut. Allah décrète ce qu'il veut via la langue de son messager. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصد. طيب ما سعيت لا. Donc ce hadith en réalité vous allez voir qu'il est lié au précédent. car il lui-même, il contient un fondement qui est important, qu'il incombe aux musulmans de s'efforcer dans le bien, à faire les choses correctes. سواءً أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء. Il a dit, il s'engage à faire les choses dans le bien, et peu importe que cela amène, porte ses fruits, ou une partie des fruits, ou même aucun fruit. L'essentiel, c'est qu'il s'efforce à faire le bien, même si cela n'aboutit pas à ce que lui attendait. Il a quand même fait la cause. C'est ce qu'on répète souvent. Ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposé, c'est de prendre les causes, et pas d'arriver à un résultat en soi. يقول وذلك بالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبرى ومن تعلقت حاجتهم بهم فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذ لم يعلم قبول شفاعته فيفوت نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. Donc c'est pour cela, par exemple, ce hadith appelle à ce que les gens qui en ont la possibilité de demander intercession pour les gens dans le besoin auprès des autorités, par exemple, ou des gens qui ont la capacité de pouvoir donner de leur aide, que ce soit une aide financière, ou une aide administrative, ou une aide médicale, ou autre. Toi, tu connais une personne dans le besoin, un besoin quelconque, et tu n'es pas en mesure de l'aider. Mais tu connais des gens qui peuvent l'aider. Alors toi, fais en sorte d'intercéder pour cette personne, auprès de personnes aptes à pouvoir l'aider. D'accord ? Fais en sorte de pouvoir aider ton frère ou ta sœur à obtenir ce dont il a besoin, dans différents domaines. Et que trop de gens négligent ce point. Car souvent, ils se disent que leur intercession ne sera pas acceptée. قال فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عندهم ليتعجلوا الأجر عند الله. لقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم a encouragé ses compagnons à intercéder auprès des gens des indigents, des gens dans le besoin, auprès de lui. Par exemple, s'ils savent qu'il y a une personne qui est dans le besoin, alors qu'ils viennent auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer afin que lui puisse voir ce qu'il peut accomplir pour lui. Car à la base, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque de son vivant, était le gouverneur. Et à la base, c'est le rôle du gouverneur d'aider les gens de la Umma sous sa responsabilité afin de pouvoir combler leurs besoins autant que possible. Mais cela ne se limite pas qu'au gouverneur. Cela peut toucher toute personne en mesure de pouvoir aider quelqu'un. D'accord ? Donc il faut savoir intercéder pour les gens. يقول فإن الشفاعة et oui, j'ai oublié de préciser, le fait d'intercéder pour les gens t'amène à obtenir une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme dans le hadith, ishfa'u tu'jaru. Intercéder, vous en êtes récompensé. فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. Donc la bonne intercession, elle est aimée auprès d'Allah Azza wa Jal et agréée. Dans le sens où Allah dit que celui qui fait une bonne intercession, alors il en aura une part. C'est-à-dire le bien qui se produira par sa cause, il en aura une part lui-même. Donc en réalité, tu aides ton frère, mais tu t'aides toi-même. Tu aides ton frère ou ta sœur, et en faisant cela, tu t'aides toi-même. Comme quand le Ta'ala, « In arsantum, arsantum l'infusikum » Que si vous faites du bien, ce bien, en réalité, c'est pour vous-même que vous le faites. En premier lieu. Même en aidant les gens, on s'aide nous-mêmes. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah fi l'aouni l'abd, ma kana l'abd fi l'aouni akhi. Que Allah azza wa jal aide ou soutient la personne tant que la personne soutient son frère. Donc en aidant les gens, tu t'aides toi-même. En réalité. Thumma, donc là après on passe un passage qui revient à ce qu'on vient de dire en gros. Et dans sa parole, quand il dit وَيَقْدِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ, que Allah Azza wa Jal décrète par le biais de son messager ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal décrète à travers son messager ce qu'il veut. Yaqul qada'uhu ta'ala nou'an. Qada' qadari yashmilu al-khayr wa shar wa ta'at wa al-ma'asi bel yashmilu jami'a ma kana wa ma yakun wa jami'a al-hawadith al-sabika wa al-lahika wa akhassuh minhu al-qada' al-qadari adini الذي يختص به ما يحبه الله ويرضاه وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني. طيب donc il dit maintenant le décret d'Allah Azza wa Jal qada'uhu, il est de deux sortes. Il y a un qada qui est qadari, celui qui contient le bien et le mal, il contient les obéissances et les désobéissances, il contient toutes choses, ça veut dire que c'est des choses qui ont forcément lieu. Ça s'appelle al-mashi'a, la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième est celle-ci, que Allah Azza wa Jal l'aime ou ne l'aime pas, elle a forcément lieu. Elle a forcément lieu. Par exemple, Allah Azza wa Jal n'aime pas les koufars, mais ils existent. Allah Azza wa Jal n'aime pas les péchés, mais ils existent. Allah Azza wa Jal n'aime pas le mal, mais il existe. Et cela a forcément lieu. Et là, ce hadith concerne l'autre forme de décret qui est al-irada shar'iyya. C'est ce que Allah Azza wa Jal aime forcément. Mais ce qu'il aime forcément n'a pas forcément lieu. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il aime la foi. Est-ce que tout le monde a la foi? Non. Mais pourtant, il veut qu'on soit des croyants. Allah Azza wa Jal a décrété la salat. Est-ce que tout le monde fait la salat? Non. Allah Azza wa Jal, il aime le hajj. Est-ce que tout le monde fait le hajj? Non, ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal, via ou par le biais de la langue de son messager, décrète que les choses qu'il aime. Mais ces choses-là n'ont pas forcément lieu. Vous comprenez? Ce sont les deux choses différentes. C'est, on les appelle également irada shar'iyya ou irada kawniyya. D'ailleurs, c'est la volonté liée à la législation, et l'autre c'est la volonté qui est universelle. L'universelle, elle a forcément lieu. Comme le fait que l'eau s'amouille, que, par exemple, les gens sont amenés à mourir, que les gens semblent à tomber malades, ça c'est des choses qu'auniya qui ont forcément lieu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et shal'iya, ce sont des choses qu'Allah veut de nous, et qu'il aime, mais celles-ci n'ont pas forcément lieu. Mais le fait qu'il n'ait pas lieu ne veut pas dire qu'il n'attend pas de nous, qu'il ne nous entende pas de le faire. Allah ordonne à tout le monde de croire en lui comme il se doit concrètement. Pourtant, les koufars sont plus nombreux que les croyants. Et ainsi de suite. Donc là, dans le hadith, yaqdi Allah ala lisan rasulihi ma'asha, que Allah décrète par la langue de son messager ce qu'il veut, c'est-à-dire que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous demande de faire, ce ne sont que des choses que Allah azza wa jalla il aime. Ou ce qu'il nous interdit de faire, ce sont que des choses que Allah azza wa jalla n'aime pas. C'est-à-dire des choses liées à la législation que nous devons faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fera. À bien comprendre cela. Donc ce hadith, le dernier hadith, amène à s'efforcer d'aider les autres autant que possible, d'intercéder pour eux quand on peut le faire. D'accord? Et également, nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce que Allah azza wa jal attend de nous. C'est-à-dire, comme bien à faire et comme mal à éviter. Ce qui est lié à la législation. Azahu. Tayyib. Donc de là, on a fini de prendre nos deux hadiths du jour. Et cela suffira, bizna ta'ala. Et le prochain dars viendra la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. فبيد القد نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته